Paris est une ville où tous les gens d'énergie qui poussent comme des sauvageons sur le territoire français se donnent rendez-vous. Et il y grouille bien des talents sans feu ni lieu, des courages capables de tout, même de faire fortune. Eh bien, ces garçons-là, votre serviteur en était dans son temps, et il en a connu. Qu'avait Dutillet, qu'avait Popinot il y a 20 ans. Ils pataugeaient tous les deux dans la boutique du papa Birotteau, sans autre capital que l'envie de parvenir, qui selon moi vaut le plus beau capital. On mange des capitaux et l'on ne se mange pas le moral. Qu'avais-je, moi? L'envie de parvenir, du courage. Dutillet est l'égal aujourd'hui des plus grands personnages. Le petit Popinot, le plus riche droguiste de la rue des Lombards, est devenu député, le voilà ministre. Eh bien, l'un de ces condottieries, comme on dit, de la commandite, de la plume ou de la brosse, est le seul être à Paris capable d'épouser une belle fille sans le sou, car ils ont tous les genres de courage. Monsieur Popinot a épousé Mademoiselle Birotteau sans espérer un liard de dot. Ces gens-là sont fous. Ils croient à l'amour, comme ils croient à leur fortune et à leurs facultés. Cherchez un homme d'énergie qui devienne amoureux de votre fille, et il l'épousera sans regarder au présent. Vous m'avouerez que, pour un ennemi, je ne manque pas de générosité, car ce conseil est contre moi.